Skål, mec. La vie là pour maman parce qu'on n'est pas les mêmes, on n'a pas le même vécu. Momo c'est un vautour, le croco, le vétil, fume que de la patate. Tu peux le croiser partout mais le rêve est de partir, c'est lui-même son patron, l'Algérie, sa patrie. Il t'arrache ta patte car il mangeait des pâtes. On n'est pas les mêmes, j'ai jamais fait l'aumône à Fleury, j'ai fané à Florent, j'ai fini. La vie là pour maman parce qu'on n'est pas les mêmes, on n'a pas le même vécu. Momo c'est un vautour, le croco, le vétil, fume que de la patate. Tu peux le croiser partout mais le rêve est de partir, c'est lui-même son patron, l'Algérie, sa patrie. Il t'arrache ta patte car il mangeait des pâtes. On n'est pas les mêmes, j'ai jamais fait l'aumône à Fleury, j'ai fané à Florent, j'ai fini. On n'est pas les mêmes, c'était pire, c'est comme ça toute l'année, c'était la crise et tout ça, j'ai creusé. On m'a fait des coups de grâce, j'ai donné le coup de grâce et ça grâce à personne, moi personne m'a poussé. Je m'en sors comme un poisson, j'oublie pas le passé, patienté mon passant, j'ai grave comme mes passes assez sur cette tupiste de la rue, tu pistes dans la banque sans pitié mes deux couilles mon poteau. Voilà pour tes pâtés, je suis là pour du plat, t'as ramassé des platines, mon joint sur un plateau, maman dans un palace pour banca à pas de pot toute l'année, rack il boit, il veut plus prendre le bus. Le maire c'est la base, photo me fait pas la piste. T'étais où c'était ça, ça bouge pas, je suis tout seul, j'écoute aucune salope. Tiens ta clope et salut où je me fais ta copine, je connais pas Cupidon. Mais elle kiffe la canaille, rêve de mécanique, je lui fais de la mécanique, ici y a pas d'arnaque. On n'est pas les mêmes, je reviens de loin, j'ai la dalle. Tout prendre c'est mon dit, moi qui comptais mes deux. J'ai toujours été jean, mes valeurs, mon dicton comme Alger, j'ai plus d'être Pendejo, c'est mon disque et tout ça c'est mon dû. Tout petit sur du risque, non frangé ta dose, vend tout ça en douce. Prêt à tout pour un 10, à 12 ans, à H pour un vent, tiens pas ta j'ai détaché de bien faire qu'à la fin en furieux. Donc je suis là comme un phare, c'est moi qui ferme le four. Ils sont bons qu'à fuir, s'il te plaît, laisse-moi faire. La squale il est franc, mais ses cons sont frileux. On n'est pas les mêmes, c'est la merde depuis mon banca mon binôme, Pendejo les bannis et Luna, c'est la base. Même c'est la merde depuis Momo, Banca mon binôme, Bendejo, les Bani et Luna, c'est la base. La vie là pour maman parce qu'on n'est pas les mêmes, on n'a pas le même vécu. Momo c'est un vautour, le croco, le vétil, fume que de la patate. Tu peux le croiser partout mais le rêve est de partir, c'est lui-même son patron, l'Algérie, sa patrie. Il t'arrache ta patte car il mangeait des pâtes. On n'est pas les mêmes, j'ai jamais fait l'aumône à Fleury, j'ai fané à Florent, j'ai fini. La vie là pour maman parce qu'on n'est pas les mêmes, on n'a pas le même vécu. Momo c'est un vautour, le croco, le vétil, fume que de la patate. Tu peux le croiser partout mais le rêve est de partir, c'est lui-même son patron, l'Algérie, sa patrie. Il t'arrache ta patte car il mangeait des pâtes. On n'est pas les mêmes, j'ai jamais fait l'aumône à Fleury, j'ai fané à Florent, j'ai fini. Du décato des deux, la squad c'est se débrouille. On n'est pas les mêmes, j'ai jamais fait l'aumône. Ça m'a pris pour un âne, mais c'est moi la carotte. J'étais seul dans ma grotte, donc personne va gratter. Je tape seul mon grattant, car rien n'est gratuit. On n'est pas les mêmes, moi c'est tout pour maman, gros. Ah ouais, on n'est pas les mêmes, moi c'est tout pour maman, ma gueule. La squad.